Donc pour aujourd'hui, on va faire la tâche qui m'a été incombée, c'était de vous faire le volvulus de l'intestin grêle et du sigmoïde. C'est une partie particulière des occlusions intestinales aiguës. Est-ce que vous avez fait les occlusions intestinales aiguës? Donc je ne vais pas trop m'attarder sur la physiopathologie des occlusions. Alors on va commencer par le volvulus de l'intestin grêle. Sur le plan de généralité, il faut savoir que le volvulus, le mot volvulus veut dire torsion, ou bien une rotation. Pour l'instant, pour vous, ce que vous devez savoir, c'est le volvulus de l'intestin grêle ou bien du sigmoïde, c'est que c'est une rotation autour de l'axe mésentérique, que l'on appelle communément la torsion mésentérico-axiale. Ça veut dire qu'il y a le vaisseau autour duquel il y a une torsion de l'anse grêlique. À l'inverse, il y a une entité assez particulière dont on commence à parler maintenant, c'est le volvulus de la torsion organo-axiale. Ça veut dire que vous avez le tube en lui-même, l'intestin grêle ou le sigmoïde, il tourne sur lui-même sans faire intervenir l'axe vasculaire. Donc là, c'est uniquement l'occlusion par torsion d'une partie ou de la totalité de l'intestin grêle autour de son axe mésentérique. Et bien évidemment, ça décrit un tableau d'occlusion intestinale aiguë. C'est en matière de... Ça me paraît bizarre, je crois que... Il faudrait que j'inverte ça. Bon, c'est pas méchant. Donc, c'est la plus grave des occlusions intestinales aiguës. Pourquoi ? Parce qu'elle fait intervenir un élément qui est très important, c'est la composante vasculaire. On va le voir après. Et donc, quand il y a la torsion autour de l'axe, en plus du tableau d'occlusion, il s'y associe un tableau d'obstruction vasculaire. Et vous savez tous ce qu'il y a quand il y a obstruction vasculaire, on avale de cette obstruction ischémie, puis après nécrose. Très bien. Donc, composante vasculaire, il est urgent, imminemment urgent, de faire un diagnostic en matière de volvulus de l'intestin grêle. Il est urgent de poser le diagnostic rapidement. Pourquoi ? Parce que si on tarde à poser le diagnostic, il y a ces fameuses 3 heures, puis après 6 heures de temps. D'ailleurs, c'est ce que font nos amis de la chirurgie vasculaire. Quand il y a une ischémie aiguë du membre inférieur, au-delà des 6 heures, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Vous nous l'amputez de ce membre inférieur, puis après vous nous l'enverrez. On verra ce qu'il y a lieu de faire sur la composante vasculaire. Qu'en sera-t-il si c'est un problème d'intestin grêle ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est obligé d'aller enlever cette partie intestinale qui s'est nécrosée. Si c'est une petite partie, c'est pas méchant. Vous êtes tous dotés d'entre 4, 5 à 6 mètres d'intestin grêle. Mais si on revient à la définition où c'est écrit c'est une torsion d'une partie ou de la totalité, si c'est la totalité, ça reviendra à dire à enlever tout l'intestin grêle. Et sur le plan biologique, c'est incompatible avec la vie. Donc c'est pour ça qu'il est urgent, imminemment urgent, de poser le diagnostic dans les plus brefs délais, du moins dès que le malade arrive chez vous, pas ce qu'il a passé comme temps chez lui à la maison. De ce fait, c'est une urgence médico-chirurgicale. Médicale, c'est les conséquences de l'occlusion. Chirurgicale, c'est d'éviter le risque de nécrose. Et à la fin, donc, le pronostic, c'est par rapport à ce que je vous ai dit. D'une part, c'est le malade qui vient vous voir rapidement pour ce tableau occlusif. D'autre part, le pronostic dépend de vous. Quand vous recevez le malade en premier et que vous dites probablement qu'il pose un tableau d'occlusion intestinale aiguë, a fortiori en rapport avec un volvulus du grêle. Et donc, il faut rapidement rétablir la continuité digestive. De ce fait, le pronostic en découle. Si ça s'est fait rapidement, c'est rien du tout. Mais si ça s'est fait tardivement, ce n'est plus les conséquences du tableau occlusif, mais c'est les conséquences du syndrome de l'intestin court. Chez nous, déjà, pour nous, pour ceux qui veulent faire un régime, ils ont déjà un problème d'assiduité en matière de diète alimentaire. Imaginez quelqu'un qui n'a plus d'intestin pour pouvoir absorber, à qui on l'astreint à un régime draconien. Ça ne sert à rien du tout. Dans la grande majorité des cas, il décède. Le pronostic, en fin de compte, dépend de ce problème vasculaire et donc de l'ischémie mésentérique. Pourquoi je parle de l'ischémie mésentérique? Parce que à l'intérieur de chacun d'entre vous, l'abdomen, le tube digestif, depuis l'angle duodéno-jéjunal jusqu'au niveau du côlon droit, est vascularisé par une seule artère, l'artère mésentérique supérieure. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose souvent en résidanat. Les résidents se trompent toujours. Il est interdit de ligaturer l'artère mésentérique à son origine parce qu'il y a ce problème de l'ischémie puis de la nécrose grêlique de tout l'intestin grêle. Imaginez maintenant que c'est une torsion autour de cet axe. Il s'ensuit la nécrose intestinale du grêle dans un taux qui est moindre, association d'une composante ischémique du côlon droit. Donc, toute la gravité du volvulus de l'intestin grêle dépend de ce problème de l'obstruction, la torsion de l'ischémie de l'artère mésentérique supérieure. Sur le plan épidémiologique, or, fort heureusement, c'est une pathologie qui est assez fréquente, plutôt qui est de fréquence faible. Dans cette faible de fréquence, c'est surtout le volvulus incomplet. Et c'est tant mieux pour ceux qui en tombent malades. Dans plus de 90% des cas, c'est une bride. Cette bride, c'est comme un pont, c'est un bridge, du fait d'une intervention chirurgicale antérieure ou bien d'un processus inflammatoire intra-abdominal. L'âge moyen de survenue, c'est surtout le sujet jeune. Et comme on dit, à quelque chose de malheureux et bon, tant mieux, parce que chez le sujet âgé, le volvulus de l'intestin grêle, toujours je reviens à cette composante vasculaire, est fatal. Comment se déclenche un volvulus? C'est lorsqu'il y a cette composante d'obstruction de gêne, qu'est-ce qui s'ensuit? L'intestin, il est doué d'un péristaltisme pour faire avancer, progresser le bol alimentaire. Et lorsqu'il y a cette obstruction, cette bride, cet obstacle, le péristaltisme ne s'arrête pas. Et donc, il y a toujours du contenu intestinal qui arrive. Ce contenu intestinal arrive au niveau de l'obstruction, ne passant pas, et plus le contenu arrive, plus le péristaltisme va s'accentuer. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une augmentation du poids de l'anse au-dessus de l'obstruction. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va capoter autour de cette obstruction. Et le péristaltisme se continuant toujours, l'anse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tourner autour. Donc ça fait volvulus. Sur le plan étiologie, les causes acquises, c'est la bride, c'est la plus importante. Donc à chaque fois que vous avez quelqu'un qui vient pour tableau d'occlusion intestinale aiguë et que vous avez une cicatrice de la parotomie ou bien cicatrice de céliochirurgie, il faut penser à l'occlusion par bride. Les autres, ce sont les phénomènes inflammatoires, ce sont les brides par phénomènes inflammatoires. Lorsqu'il y a un diverticule de Meckel, qui est le siège d'une diverticulite, un appendice lent qui fait appendicite, une hernie interne, ou bien, comme je vous ai dit, lorsqu'il y a un corps étranger, ou bien qu'il y a une masse, ou bien un ileus biliaire. Qu'est-ce que c'est que l'ileus biliaire? question d'examen qui revient toujours au président. C'est pas la migration. C'est une occlusion, d'abord. C'est une occlusion intestinale aiguë par obstruction, par un calcul suite à une fistule cholécysto-digestive. Et ce calcul, généralement, il s'obstrue. Plutôt, il s'enclave où ? Au niveau de la valvule de Bowen. D'accord. Les causes congénitales, elles sont très rares. C'est ce qu'on appelle le mésentère commun. Le mésentère commun, vous savez que dans la vie intra-utérine, il y a un seul tube intestinal. Et puis après, dans le développement de ce fœtus en position intra-intestinale, il y a une différenciation d'un segment qui va en intestin grêle et de l'autre segment qui va en estomac et de l'autre qui va en côlon. Et puis, à un moment donné, il y a une rotation de ce tube colique pour positionner le côlon droit, le côlon gauche. Et lorsqu'il y a une malrotation, les deux segments de l'angle duodéno-jéjunal et de la jonction iliocécale se retrouvent pratiquement à un centimètre de distance. Se retrouvent tous d'un seul côté, se retrouvent à gauche. Et donc, c'est une situation qui est propice à la torsion de tout l'intestin grêle. Sur le plan physiopathologie, comme je vous ai dit, c'est un problème surtout parce qu'en matière de tube digestif, c'est pas tellement important. On peut réséquer un asthmosé. Mais lorsqu'il s'agit de la composante vasculaire, c'est plus grave. Il s'ensuit donc, c'est comme un garrot, il y a une striction vasculaire de l'artère mésentérique supérieure, pratiquement presque à son origine, ou bien un peu plus bas, ce qui distingue donc l'occlusion d'une anse, de deux anses, ou bien de la totalité de l'intestin grêle. Et donc il s'ensuit une striction en rapport à obstruction, absence d'irrigation, ischémie si elle n'est pas levée, c'est la nécrose. Le deuxième processus qui s'installe, c'est celui de l'altération de la paroi vasculaire. Oui, paroi vasculaire. Vous savez que lorsqu'il y a obstruction, la circulation sanguine ne s'arrête pas. Donc il y a toujours un apport qui arrive. Et puis à l'intérieur de la composante qui a volvulé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une augmentation de la pression à l'intérieur de la circulation. Qu'est-ce qui s'ensuit? Il s'ensuit une baisse de résistance vasculaire. La paroi vasculaire va devenir perméable. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va s'ensuivre une fuite plasmatique depuis les vaisseaux, que ce soit veines ou artères, vers la lumière intestinale, vers la paroi intestinale et vers la cavité péritonéale. Le troisième facteur physiopathologique, c'est l'altération de la paroi intestinale. Et dans ce cas-là, il va y avoir une pullulation microbienne. Cette pullulation microbienne va entraîner une distension intestinale. La distension intestinale, encore, les cellules vont devenir perméables. Il va y avoir, vous savez tous, que le tube digestif n'est pas aseptique. Il est propre. Il contient une flore bactérienne. Ça profite. Mais lorsque cette flore bactérienne ne s'éliminant pas et ne se renouvelant normalement, elle va se multiplier pour rester au niveau d'un même endroit. Il s'ensuit donc un taux de bactéries de 10 puissance 6 et plus. Il va y avoir une translocation bactérienne, passage des bactéries du tube digestif vers la paroi intestinale. Des fois, on se retrouve avec des micro-abcès de la paroi, ou bien dans la cavité péritoneale. Sachant que le péritoine a cette fonction d'absorption, il va absorber les liquides, mais en plus, il va absorber les bactéries et les toxines qu'il y a avec. Donc, qu'est-ce qui va en découler par la suite? Un péritonite, c'est moins grave, parce que la péritonite, on peut la traiter. C'est le choc toxi-infection. Voilà, il s'ensuit. De fait, de l'atteinte vasculaire un syndrome hémorragique, notamment au niveau de la circulation capillaire, et il s'ensuit un choc toxique du fait de la translocation bactérienne et de la libération des toxines bactériennes au niveau donc du troisième secteur, au niveau de ces espaces libres, ce qui fait qu'il va y avoir une redistribution de ces toxines sur, bien dans tout l'organisme. Et dans ce cas-là, même si l'individu a une péritonite, la péritonite c'est un coup de bistouri et 6 litres de sérum. Mais le problème qui se pose, c'est d'aller corriger toutes les autres fonctions qui ont été altérées par les toxines. Généralement, c'est très rare qu'on arrive. Hein. Alors, sur le plan, maintenant l'individu qui vient vous voir, tableau d'occlusion intestinale aiguë, bien évidemment, on va revenir au livre de Rosemary Himeleji, en commençant par les signes fonctionnels du tableau occlusif. C'est les 4 signes ou bien les 4 points cardinaux. D'abord, la douleur. Ce qui est important de la douleur du volvulus de l'intestin grêle, c'est qu'elle est d'emblée intense et d'emblée intense à son plus haut niveau. Pourquoi ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le problème vasculaire. C'est l'ischémie qui fait que cette douleur intestinale est d'emblée intense à son plus haut niveau. Le deuxième, bien évidemment, quand il y a obstruction du tube digestif, accumulation de liquides, ces liquides doivent être ou bien absorbés ou bien évacués. L'évacuation se faisant par le tube, le segment supérieur, donc il va y avoir des vomissements qui sont d'abord alimentaires, bilieux, puis par la suite ils peuvent être fécaloïdes si on a trop tardé. Bien évidemment, l'individu vous dira toujours, le maître symptôme, c'est pas la douleur, mais c'est surtout parce qu'il ne va pas à la selle. Il n'émet pas ses gaz, il n'émet pas ses matières. Arrêt des matières et des gaz. Et en dernier lieu, c'est le météorisme abdominal. Ces 4 signes, retenez-les, ça revient toujours dans une ou bien un semblant de question du concours de Résidana. Le météorisme abdominal, c'est un météorisme qui est différent de celui du volvulus du côlon pelvien. Le météorisme du volvulus de l'intestin grêle, il est central, péri-ombilical. Ça touche les anses de l'intestin grêle. On continue. Sur le plan clinique, on commence par les signes physiques, qu'on vous a toujours appris plus tôt. Alors, à l'inspection, distension. Il y a une distension abdominale. La lettre A a glissé, pardon. Donc, il y a une distension abdominale, un ballonnement. Il faut surtout chercher encore rechercher les cicatrices d'intervention. Alors, faites attention pour ces histoires de céliochirurgie. La céliochirurgie n'est pas une technique opératoire. C'est une voie d'abord. Et donc, quand vous avez une cicatrice péri-ombilicale avec deux cicatrices latérales sur les deux flancs, elles peuvent être à l'origine d'une bride post-opératoire parce que le malade a subi une intervention chirurgicale. Il faut savoir que même un coup de couteau qui rentre dans l'abdomen et qui sort, et on est sûr qu'il n'y a pas atteinte du tube digestif, il n'y a pas atteinte d'un élément anatomique intra-abdominal, ce coup de couteau pénétrant peut être à l'origine d'une bride. C'est pour ça que je vous dis céliochirurgie. Donc, recherchez une cicatrice d'intervention, que ce soit la parotomie ou bien céliochirurgie. La palpation, donc, bien évidemment, vous palpez l'abdomen, il sera sensible d'une façon diffuse de tout l'abdomen. Il faut rechercher une défense, qu'elle soit localisée ou généralisée. La défense est un signe péjoratif. Ça veut dire que, en plus du processus du tableau d'occlusion, il y a le phénomène infectieux profond qui s'est installé, que probablement il y a ou bien un abcès ou bien une périphérie qui est en train de se développer. Et bien évidemment, il faut examiner les orifices herniaires. Ça, c'est systématique devant tout malade qui vient consulter pour un syndrome douloureux abdominal. En troisième point, bien évidemment, c'est la percussion et l'élément représentatif du syndrome occlusif, bien évidemment, c'est le tympanisme. Si par contre, vous avez une matité, ça veut dire qu'en plus du tableau occlusif qui a évolué, il y a du liquide, il y a le troisième secteur qui cache cette sonorité. Ça veut dire qu'il y a du liquide dans la cavité péritonéale. Troisième secteur de grande abondance. Et puis, l'auscultation. Ce que vous ne faites pas très souvent quand il y a occlusion intestinale aiguë, cette occlusion offre à décrire deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsqu'il y a le gargouillement et une hypermotricité intestinale, c'est la phase tonique de l'occlusion. S'il y a lieu d'intervenir, c'est à ce moment-là, à la phase tonique, où l'intestin garde son tonus et sa motricité. Deuxième cas de figure, c'est lorsque vous auscultez et qu'il n'y a rien du tout. Ça veut dire que les phénomènes de défense, les phénomènes de progression, mécanismes de progression plutôt de cet intestin grêle sont dépassés, l'intestin ne voulant plus évacuer ce qu'il a, donc il devient flasque. Ça s'appelle la phase atonique, et c'est une phase qui reste quand même assez péjorative en matière d'occlusion de l'intestin grêle. Et bien évidemment, quand vous avez fait l'examen clinique, je vais vous dire ce que j'ai l'habitude de dire à nos externes. À nos internes, vous finissez toujours l'examen digestif, la génie touchée pelvien, systématiquement. Vous finissez systématiquement votre examen digestif par un toucher rectal. Il y avait un professeur, le professeur Daoud, Dieu ait pitié de son âme, il disait, si vous ne faites pas le toucher rectal, on vous le fait à vous. D'une part, vous rigolez, parce que d'une part, il rentre, c'est une partie intégrante de l'examen digestif. Tout à l'heure, avec le cours du professeur qui m'a précédé, il disait examen sur malade dévêtu. Allez-y faire chez nous. C'est très difficile, malheureusement. Mais le toucher rectal, ici, il a son importance pour voir s'il y a la matière fécale, ça veut dire rectangle vide ou pas vide, si c'est douloureux ou pas douloureux. Est-ce que le toucher rectal palpe des granulations, un bombement? Mais en plus, c'est le premier examen diagnostique d'un éventuel processus du rectum. Et vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le cancer du rectum en Algérie, il a atteint, je ne sais pas comment qualifier le mot, des proportions ou bien des taux, c'est dramatique. C'est dramatique. Quand vous avez un jeune de 33 ans qui a un cancer du rectum à un stade plus qu'avancé, je me demande qu'est-ce qu'on est en train de faire là, tous autant que nous sommes, vous, nous, la tutelle et tout. Parce qu'en principe, le maître symptôme du... j'extrapole, hein, parce que c'est méchant à voir par la suite. Le maître symptôme du cancer du rectum, c'est la rectorragie. Et le premier examen qui pose le diagnostic, c'est le don. Plus que ça, il n'y en a pas. Donc, c'est deux choses. Ces deux choses, on n'arrive pas à les réunir quand il y a cette symptomatologie. Donc, le toucher rectal, qu'est-ce qu'il recherche? Une masse. Donc, soit c'est une tumeur ou bien une carcinose. Lorsqu'il palpe un bombement ou une rénitence, c'est un abcès ou bien un épanchement. Lorsque c'est douloureux, ça veut dire qu'il y a une infiltration du péritoine. Cet examen clinique doit impérativement évaluer le retentissement de ce syndrome occlusif, parce que qui dit occlusion dit vomissement, qui dit vomissement dit perte hydroélectrolytique, mais aussi qui dit occlusion dit troisième secteur, perte encore des éléments hydroélectrolytiques, Et il faut évaluer le retentissement de cette occlusion à plus fort présent quand il s'agit d'un sujet âgé. Et il faut rechercher notamment les signes de gravité. Vous avez les signes du choc hypovolémique, la tachycardie, l'hypotension, le refroidissement des extrémités, la cyanose. Question que je pose là, j'ai écrit. Troisième secteur. C'est quoi le troisième secteur? Qu'est-ce qui constitue le troisième secteur? Le liquide. Oui, merci, je sais que c'est le liquide. Comment s'appelle Ali? Il s'appelle Ali. Alors, de quoi? Qu'est-ce qui constitue le troisième secteur? Où se situe ce troisième secteur? Doucement. Tu disais? La paroi, encore. L'espace péritonéal, encore. Je crois que je vais faire en sorte de la poser comme question, je ne vous réponds pas maintenant. Allez, j'avance. Le troisième secteur, ce sont tous les liquides qui ne se retrouvent pas dans le système circulatoire. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous n'avez pas fait attention. Salafite plasmatique où? Dans la lumière intestinale. Ou dans la paroi intestinale, puisqu'à chaque fois qu'on opère, il y a un épaississement. Et ou dans la cavité péritonéale. Donc le troisième secteur, c'est tous les liquides qui se retrouvent dans la lumière intestinale, du tube digestif, au niveau de la paroi intestinale et au niveau de la cavité péritonéale. Les trois constituent le troisième secteur. Alors, le deuxième retentissement, c'est l'état de choc en rapport avec la translocation bactérienne. C'est bien évidemment soit l'hyperthermie, l'hypothermie, le refroidissement des extrémités, les marbrures. Sur le plan biologique, est-ce qu'il est indispensable de faire un bilan biologique? Mais dans quel sens? Préopératoire. Voilà. Alors faites attention parce que des fois, quand vous êtes au niveau du pavillon des urgences, maintenant qu'on ne vous évacue plus, donc vous demandez parfois des examens pour demander des examens. Le bilan biologique, faites attention, ne rentre pas dans le cadre du diagnostic positif, mais dans le cadre du diagnostic de retentissement pour pouvoir corriger. Donc, il n'est pas spécifique, mais surtout encore, il évalue le retentissement à l'échelle biologique. L'hyperleucocytose, une CRP, une VS qui est accélérée, c'est le syndrome inflammatoire. Lorsque vous avez l'hyponatrémie, hypokaliémie et hypochlorémie, ce sont les signes en rapport avec une insuffisance rénale fonctionnelle. Et déshydratation extracellulaire, lorsque vous avez une perturbation de l'urée créate, c'est l'insuffisance rénale fonctionnelle. Pourquoi je vous dis ça? C'est la première étape de la prise en charge d'un syndrome occlusif. On y reviendra. Une fois que vous avez examiné votre malade cliniquement, vous avez évalué, vous avez fait le bilan de retentissement biologique, vous devez poser le diagnostic sur le plan morphologique et savoir de quel type d'occlusion il s'agit et où se situe cette occlusion. Bien évidemment, on commence par le doyen des examens, la radiographie de l'abdomen sans préparation. Alors, on peut le faire debout et couché. On peut le faire aussi en décubitus latéral gauche. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? C'est les niveaux hydroaériques qui sont centraux. Depuis la fosse iliaque droite à l'hypochondre gauche. Ils sont multiples, ils sont petits de taille. Ce sont les niveaux hydroaériques de type rélique. Sur l'ASP qui est fait couché, il y a un signe caractéristique, c'est ce qu'on appelle ASP en pile d'assiette. Voilà. L'ASP debout, comme on a dit, donc, c'est des niveaux hydroaériques qui vont de la fossiliaque droite à l'hypochondre gauche en fonction de la longueur d'intestin grêle volvulé. Puis lorsqu'on fait un ASP couché, voilà ces petits traits fins, c'est la représentation de l'ASP des valvules connivantes. C'est comme si qu'il y avait donc un empilement d'assiettes. Là, ça explique qu'il y a donc un volvulus ou bien un syndrome occlusif intestinal. Encore plus quand c'est un volvulus, parce qu'il y a, la grosse boucle intestinale qui est volvulée, et on voit ces petits traits, c'est l'épaississement. Donc c'est le liquide qui est au niveau de la paroi intestinale, c'est l'épaississement des valvules connivantes qui donne cet aspect-ci. D'ailleurs, dans le temps, on disait comment reconnaître une péritonite rien qu'à l'ASP. C'est l'un des signes, c'était l'augmentation de l'espace inter-anse. Parce qu'en principe, à l'intérieur de l'anse, il y a de l'air, il y a les liquides, c'est des niveaux, mais des anses qui sont accolées l'une aux autres. Mais en plus de cet accolement, la paroi est épaissie et il y a encore du liquide dans la cavité péritonéale. Et donc il y a cet épaississement qui fait que il y a du liquide dans la cavité péritonéale. On disait, en voyant ça, on disait espacement, augmentation de l'espace interne, ça veut dire qu'il y a du liquide dans la cavité péritonéale. L'autre examen que l'on réalise lorsqu'il y a un syndrome occlusif actuellement, c'est la tomodensitométrie, qui est réalisé sans injection, mais surtout injection. La différence entre les deux, c'est quoi? Surtout quand on injecte. Le mot injecté veut dire quoi? Il veut dire qu'on injecte un produit radio-opaque en quelque sorte. Ce produit, il va où? Dans... Non, il ne va pas dans les espaces. Ce produit va dans la circulation. Et lorsque ce produit va dans la circulation et qu'il arrive au niveau du syndrome occlusif, en fonction du fait que le segment d'aval prenne ou ne prenne pas le produit de contraste, que le produit de contraste, au lieu de se retrouver dans les fins capillaires, il est un petit peu évasé, va expliquer le siège, mais l'état d'avancement de ce processus occlusif. C'est pour ça que quand vous dites occlusion intestinale aiguë, il y a certains de nos confrères, ils nous disent, bon, je vous fais juste la tomodensitométrie sans injection. Ça ne m'avance à rien du tout. Parce que c'est vrai, on va voir d'une meilleure façon, d'une meilleure qualité le syndrome occlusif, mais le retentissement sur le segment d'aval en matière de vascularisation, le retentissement sur le niveau de striction de l'occlusion, le retentissement général, on ne le verra pas. On ne le verra qu'une fois que le produit de contraste a été injecté. Donc, cette TDA actuellement est de plus en plus réalisée en matière d'occlusion intestinale aiguë, parce que, là encore, je reviens à ce que j'ai dit, cette histoire de toucher rectal, actuellement, syndrome occlusif, notamment abdomen vierge, le premier diagnostic auquel vous devez penser, c'est l'occlusion tumorale. Il n'y a pas mieux que la tomodensitométrie pour la mettre en évidence. Alors, donc, d'abord, il a un intérêt diagnostique positif, la cause de l'occlusion, topographique, où se situe et quel est le mécanisme à l'origine de cette occlusion. Est-ce que c'est une bride? Est-ce que c'est une appendicite? Est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est un ileus biliaire? Deuxièmement, il évalue le retentissement, comme je vous ai dit, de fait de l'injection du produit de contraste. Il évalue le retentissement local, notamment s'il y a épaississement de la paroi intestinale, on est en phase œdémateuse tonique, il risque d'y avoir un épaississement du péritoine, il peut y avoir une infiltration mésentérique. Par contre, si on fait une tomodensitométrie, on injecte le produit de contraste et que le médecin radiologue nous dise absence de produit de contraste au-delà du syndrome occlusif, qu'il y a extravasation du produit de contraste, ça veut dire que l'anse volvulée, elle est en phase ischémique, donc elle est amincie, inférieure à 3 mm, et que par endroit, il y a saignement, il y a hémorragie. Là, vous avez une image reconstruite, réalisée par tomodensitométrie. J'espère que le cliché d'après va marcher. Il va marcher. Pourquoi il ne marche pas? Non, il marche. Ah oui, je suis sur son truc à lui. Ça n'a pas marché. C'est une reconstitution scanographique d'une... Je suis désolé. C'est à cause de votre data show qui est à l'envers. Il marche pas. Désolé. Après, vous verrez quand je vais vous donner après, il va marcher parce qu'il va avec le... avec la tomodensitométrie, le petit fil qu'il y avait. Alors, sur le plan radiologique, le transit opaque aux hydrosolubles. Dans la grande majorité des cas, on utilise de la gastrographie. Il faut savoir que c'est un examen qui est très volumineux. On ne l'utilise plus actuellement. Si vous avez l'ASP, puis après, d'anglais tomodensitométrie. Donc, il est très peu utilisé en matière d'urgence. Dans certains cas de figure, on peut le réaliser, mais retenez qu'il a perdu son droit de cité en faveur de la tomodensitométrie. Donc, une fois qu'on a posé le diagnostic clinique et radiologique, il faut impérativement évaluer la gravité de ce blocus de l'intestin grêle. Alors, apprécier le choc hypovolémique, quel est le degré du choc septique, et voir si une défaillance polyviscérale s'est installée, parce que choc hypovolémique, choc septique, défaillance polyviscérale, même si on intervient sur la cause, c'est trois conséquences, chacune va évoluer pour son propre compte. Même si on a levé l'obstacle et qu'on a traité l'occlusion, ces trois conséquences physiopathologiques vont évoluer à leur propre compte. Très, très, très souvent, ça arrive à la fatalité. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, la gravité de l'intestin grêle, elle est due à cette artère-là. C'est l'artère mésentérique supérieure qui irrigue tout l'intestin grêle, la totalité de l'intestin grêle et le côlon droit. Lorsque vous avez un volvulus d'une partie de l'intestin grêle, on peut couper à ce niveau-là et rétablir. Mais lorsque vous avez toute cette boucle qui a tourné autour de l'axe vasculaire, si on a dépassé les 6 heures, on sera obligé d'enlever tout ce segment intestinal et éventuellement enlever le segment colique irrigué par l'artère colique inférieure droite, laisser probablement l'angle colique droit. C'est une situation qui est incompatible avec la vie. On a une femme qu'on a opérée. C'est une femme de 30 ans. Je ne sais pas si tu l'avais... Elle est venue, c'était les gynécologues qui l'avaient prise, pour, soi-disant une grossesse extra-utérine. Ils ont ouvert, ils ont trouvé de la nécrose. Donc ils nous ont appelé les chirurgiens et on est entré. Et effectivement, on avait trouvé une nécrose intestinale. Il y avait une chirurgienne qui a opéré. Je me rappelle, elle nous avait appelé, j'ai été voir... a dit Monsieur Lepré, regarde. Elle a sorti et c'était tout l'intestin grêle qui était nécrosé. Pour elle, diagnostic fait, elle m'a dit, monsieur le prix, je ferme et je signe le constat de décès. Il faut rester un petit peu sage en lui disant, enlève ce qui est nécrosé, fais ce qu'il y a lieu de faire, et puis après, si elle décède au bout de 24 heures, on sait qu'elle va décéder. On a fini par réaliser ce que j'appelle toujours une anastomose contre nature. On a fait une anastomose jéjuno-colique. Elle en est à sa troisième nuit de survie. Sauf qu'elle pose un gros, gros, gros problème d'alimentation, puisqu'elle ne s'alimente pas. On l'a même envoyée avec le ministère de la Santé, on l'a même envoyée en Suisse pour une éventuelle greffe intestinale. C'est le cinquième cas décrit dans le monde. Elle est toujours vivante. Donc, la chair de poule. Hein. Par contre, il y a d'autres à qui on laisse 1 mètre, 1 mètre et demi, ils décèdent. C'est le problème de l'intestin court. Je dis ça pourquoi peut-être d'entre vous qui un jour voudront devenir chirurgien qui se retrouvent dans cette situation. Les gens disent il faut fermer et sortir. Non, vous n'avez pas le droit. Tout ce qui est nécrosé, vous l'enlevez. Si vous ne rétablissez pas, si le chirurgien ne rétablit pas, il met les deux bouts à la peau. Il fait une stomie. Puis après, si elle décède, lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Une parenthèse. On arrive au traitement. Alors, il y a le syndrome occlusif, c'est l'occlusion qu'il faut enlever. Et il y a les conséquences physiopathologiques de l'occlusion qu'il faut corriger. Ce qui veut dire que la prise en charge, le traitement du volvulus de l'intestin grêle, elle est médico-chirurgicale. Ce traitement, je reviens encore, il doit être instauré le plus rapidement possible pour éviter de tomber dans cette histoire d'ischémie, des fameux 6 heures de temps et d'ischémie de la nécrose. Le traitement médical seul ne suffit pas, parce qu'on a beau corriger les conséquences physiopathologiques, les électrolytes, là on va donner des protéines, de la protide, on va mettre des solutés, des macromolécules et tout ce qui s'ensuit. Mais si on n'a pas l'obstacle, l'issue est fatale. Si par contre, on ne fait qu'opérer parce qu'il y a urgence, on opère, donc une prise en charge uniquement chirurgicale, la chirurgie seule donne un piètre résultat. Il y a toujours les conséquences physiopathologiques qu'il faudra corriger par la suite. Généralement, on ne les corrige pas, donc il y a issue fatale. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de prise en charge seule. C'est combiné, c'est médical et chirurgical. Le but du traitement, commencer par corriger les conséquences ou les désordres induits par ce syndrome occlusif, donc remplacer ce qui a été perdu, les électrolytes, les protéines et les liquides. Il faut impérativement lever l'obstacle et il faut rétablir la continuité digestive. J'aurais mieux dit assurer un transit intestinal. Parce que rétablir, ce n'est pas tout le temps qu'on peut couper et anastomoser dans le même temps opératoire. Et donc, si on ne peut pas faire ça, il faudrait qu'il y ait un transit conservé dans la mesure où ce que l'individu mange, ce qu'il absorbe, il les absorbe, ce qu'il doit rejeter, il doit les rejeter, notamment par une stomie. Et bien évidemment, éviter les complications, que ce soit les complications chirurgicales inhérentes à l'acte lui-même ou bien les complications chirurgicales de toute chirurgie. Éviter la récidive, c'est très, très, très, très osé de le dire parce que pour éviter la récidive, cela voudra dire qu'on devra fixer l'intestin grêle dans la position jéjunant transversal, iléant vertical. C'est impossible. Alors, le traitement médical, donc, c'est surtout de corriger les désordres, mais de préparer le malade à l'acte chirurgical, que ce soit par voie ouverte, par voie de cœlio-chirurgie. La sonde nasogastrique, faut aspirer ce qu'il y a dans l'estomac. Alors, on ne met pas la sonde nasogastrique de parce que vous avez en tête pour éviter qu'il y ait sécrétion. Parce que qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas sonde nasogastrique dans l'estomac, L'estomac, en l'espace de 24 heures, sécrète entre 8 et 10 litres. Donc, avec votre sang ou sans votre sang, il aspire. On met la sonde nasogastrique devant un syndrome occlusif, certes pour vider l'estomac de ce qu'il y a, mais surtout, éviter le syndrome d'inhalation, le syndrome à l'induction et l'intubation. La sonde vésicale, c'est le meilleur élément de surveillance de votre remplissage. Vous savez qu'en matière de corps humain, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, si vous donnez 4 litres de liquide, vous devez récupérer 3 litres et demi. Si vous donnez du liquide et que vous ne le récupérez pas par voie circulatoire, puis au niveau de la filtration rénale et donc vésicale, si vous ne le récupérez pas, c'est que vous êtes en train de noyer votre malade, notamment l'œdème aigu du poumon, l'OAP. Donc la sonde urinaire, c'est l'élément de surveillance de votre remplissage. Et bien évidemment, l'abord veineux pour les antalgiques, les antibiotiques, le remplissage, et en fin de compte, l'oxygénothérapie. Alors l'oxygénothérapie, vous ne le faites pas très souvent, mais tout être humain, tout individu qui fait le moindre malaise, le simple fait de lui mettre les lunettes, l'oxygène, il récupère. Donc, à plus forte raison, quand quelqu'un qui a fait un syndrome occlusif où il y a un apport d'oxygène qui est diminué au niveau du tube digestif, mettez-le sous oxygénothérapie à raison de 6 à 12 litres par minute. Le traitement chirurgical, là, comme tout à l'heure, je vous ai dit, on commence actuellement par la céliochirurgie. Surtout, si à la tomodensitométrie, le médecin radiologue vous dit volvulus de l'intestin grêle sans substratum anatomique décelable. Ça veut dire qu'il y a un segment d'intestin grêle qui a capoté autour d'elle-même. Pourquoi aller ouvrir d'une laparotomie or qu'il suffit d'entraîner, de faire une détention? Donc le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire par une minuscule laparotomie, donc par un apport célioscopique. C'est la céliochirurgie. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une technique, mais une voie d'abord. On la réalise en open célio. Qu'est-ce que ça veut dire l'open célio? Quand on fait de la céliochirurgie, il y a deux façons d'aborder l'abdomen. Soit à l'aveugle, on met une aiguille au niveau du rebord costal gauche, c'est l'aiguille de Verres, puis on commence à insuffler, puis après, avec le trocar de l'optique qu'on met au niveau de l'ombilique, on le met à l'aveugle. Mais vous imaginez bien que lorsqu'il y a une distension abdominale, l'intestin est sous la peau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit voir ces intestins. On fait une moucheture de 1 cm, on soulève, on voit l'intestin et on introduit le trocar de l'optique avec un mandrin mousse. Parce qu'il y a le mandrin pointu. Donc avec un mandrin mousse, puis après on gonfle, le fait de gonfler va décoller, va augmenter les espaces, décoller les éléments anatomiques, et puis on verra ce qu'il y a. Il suffit de détendre et tout retourne à sa position normale. Il faut savoir que cette céliochirurgie est émaillée d'une conversion entre, ça dépend des équipes et des services, entre 8 et 45% des cas. Pour plusieurs raisons, lorsqu'il y a une bride importante, lorsqu'il y a une distension importante, lorsqu'il y a un syndrome infectieux profond qui s'est installé péritonite ou bien un abcès, ou lorsqu'il y a une plaie iatrogène intestinale. Dans ce cas-là, il faut revenir à la voie classique qui est la laparotomie. C'est ce que nous aimons, nous les chirurgiens, parce qu'on aime bien voir. Et donc, c'est une laparotomie. Faites attention, en matière d'urgence, la seule voie d'abord, c'est la médiane. Parce qu'on peut s'agrandir à volonté vers le haut et vers le bas. Donc, lorsqu'on s'agrandit vers le haut et vers le bas, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de faire une exploration de toute la cavité abdominale. Donc, une exploration visuelle, mais en plus, on va palper On va voir, est-ce qu'il y a des granulations, est-ce qu'il y a un syndrome de masse, est-ce qu'il y a une tumeur, est-ce qu'il y a une vrille, ou c'est juste un segment intestinal ou bien tout l'intestin grêle qui a capoté autour de son axe mésentérique. Bien évidemment, à chaque fois qu'on ouvre un abdomen, on prélève un liquide de ce troisième secteur pour une étude bactériologique. Auquel cas, il faudra donner une antibiothérapie adaptée en fonction de l'antibiogramme. Et la laparotomie nous permet donc de voir la zone du volvulus et de prendre la décision thérapeutique de ce qu'il y a lieu de faire en fonction de l'état macroscopique local de l'anse volvulée. Alors, ça dépend des lésions anatomiques qui se sont installées. Alors, on voit le sens de torsion horaire ou anti-horaire, mais c'est juste pour le décrire. Ça n'affecte en rien votre décision thérapeutique. Le degré de torsion, plus c'est serré, plus la composante vasculaire ischémique est importante. Et puis, le nombre d'anses volvulées, est-ce que c'est une anse, deux anses, ou bien la totalité de l'anse depuis la jonction duodéno-jéjunale jusqu'à la jonction iléo-sécale. Et bien évidemment, apprécier l'état de l'intestin volvulé en fonction de l'infiltration, la congestion, l'existence de sphacèles, de nécrose ou de perforation. Le troisième secteur, comme je vous ai dit, c'est tous les liquides qui se retrouvent dans la lumière, dans la paroi et dans la cavité péritonéale, absolument à restituer par votre traitement médical. Les indications, lorsque l'anse est viable et que c'est en rapport avec une vrille, il suffit de sectionner la vrille et de détordre l'intestin et puis après ça va reprendre son transit intestinal et ça va évacuer. Dans ce cas-là, on ferme la paroi abdominale, retenez-le sans drainage. On ne met pas de tube, on ne met pas de lame dans la cavité abdominale après détorsion intestinale. Lorsque l'anse est de vitalité douteuse, sphacélée, gangrénée, nécrosée, là, il faut réaliser une résection. Si cette anse est arrivée au stade de la nécrose, ça veut dire qu'il y a une pulsation microbienne importante. Ça veut dire qu'il y a libération de toxines. Et donc, il faut réaliser la résection. Là, je l'ai mis en gras et souligné. Sans détordre, comme elle est dense, comme elle est, on met un gland digestif en dessous, on coupe ce qui est vers le bas, puis après, on remet deux glands digestifs et on rétablit la continuité. Parce que si on détourne des lances, les liquides qui se trouvent à l'intérieur vont passer vers le haut, refluer, et vont passer vers le segment d'aval. L'absorption intestinale va reprendre. Et l'absorption, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va absorber les toxines et il va y avoir un choc torsien infectieux, une insuffisance rénale aiguë avec une insuffisance respiratoire, risque de décès secondaire. Donc, jamais détordre une anse, sphacélée, nécrosée ou bien gangrénée. Et dans ce cas-là, donc, on continue le traitement habituel, la toilette péritoniale. On peut faire un drainage comme on ne peut pas faire de drainage. La grande majorité des cas, on ne met pas de drainage sur les sutures gréniques. Pourquoi? Parce que l'intestin grêle n'est pas un segment fixe. Votre suture qui initialement se retrouve dans la région épigastrique, avec le péristatisme, peut se retrouver au niveau de la fosse iliaque gauche, peut se retrouver au niveau du flanc droit. Le drainage, il sert à drainer une suture qui est fixe, le colon droit ou le colon gauche, mais pas plus. Donc, ce n'est pas la peine tant de drainer une suture grêlique. Lorsqu'il s'agit d'un mésentère commun, il faut entraîner une détorsion. Il faut libérer pour agrandir l'espace entre les deux bouts, la jonction duodéno-jéjunale et la jonction iliosécale, en ouvrant le mésentère mais en conservant la vascularisation. Et essayer de faire ce qu'on appelle une colopexie ou bien une fixation d'intestin grêle pour éviter qu'il y ait, notamment fixer les deux bouts les plus distaux, pour éviter qu'il y ait récidive. Bien évidemment, une fois qu'on a détendu c'est ce que l'on voit, il faut traiter la cause toujours, toujours, toujours associée. Si c'est une appendicite, il faut enlever l'appendice. Si c'est en rapport avec un diverticule de Meckel, il faut l'enlever. Si c'est une bride, il faut l'enlever, pas la couper. Il faut l'enlever de ses deux bouts. Parce que le fait qu'elle soit pendante, elle va entraîner un phénomène inflammatoire au niveau du bout d'aval. Phénomène inflammatoire, cicatrisation, tissu conjonctif de cicatrisation, accolement, et le pont sera reconstitué. Pour reconstituer, risque de récidive secondaire. Une fois que le malade est opéré, il faut assurer les soins post-opératoires. La sonde nasogastrique, il faut retirer en 24 heures, parce qu'elle ne servira à rien du tout. Au contraire, elle va stimuler la sécrétion gastrique. Vérifier si drainage a eu lieu, il faut vérifier tous les drainages, quantité et qualité. La diurèse, il faut mobiliser le patient rapidement et le faire déambuler et le prévenir d'une éventuelle thrombose veineuse des membranes inférieures en utilisant une HPPM. Le transit, l'alimentation, d'abord elle est liquide, puis elle est solide. Et bien évidemment, il faut vérifier régulièrement la plaie opératoire. Il faut savoir que le pronostic du volvulus, surtout le volvulus d'intestin grêle, dépend de la durée de prise en charge. Plus précoce est la prise en charge, mieux sera le pronostic du volvulus de l'intestin grêle. Bien évidemment, il dépend aussi du terrain. Plus le sujet âgé, plus le risque est important. Que le volvulus de l'intestin grêle, la gravité de ce volvulus dépend de la striction vasculaire, parce que qui dit volvulus dit infarctus entéro-mésentérique. Qu'est-ce que c'est qu'un infarctus entéro-mésentérique? C'est un thrombus qui vient obstruer l'artère mésentérique supérieure à son origine. Tout l'intestin grêle est en position normale. Obstruction, donc défaut d'irrigation, ischémie, nécrose de tout l'intestin grêle et du côlon droit. C'est le même équivalent et c'est fatal. On arrive à la conclusion pour dire que ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que le volvulus de l'intestin grêle est une occlusion intestinale aiguë haute à début brutal. Ça n'a pas encore fini, hein, parce qu'il y a encore le sigmoïde après. Eh ben oui, c'est la question c'est pas moi, il faut le dire à Madame Territ. La douleur, c'est le maître symptôme, elle est d'emblée intense. L'ischémie fait la gravité. La cause première, c'est la bride. Et puis c'est un temps, vous avez du temps devant vous. L'ASP, à lui seul, peut poser le diagnostic. Le traitement est médico-chirurgical. La médecine sans chirurgie, mauvais résultat. La chirurgie sans médecine, mauvais résultat. Passons à la deuxième partie, qui est le volvulus du côlon pelvien. C'est toujours la même histoire. C'est une portion autour de l'axe vasculaire du côlon sigmoïdien. Attention, dans certains livres, vous lirez volvulus du côlon pelvien, parce que le sigmoïde, on l'appelle le côlon pelvien. Donc, il s'ensuit une obstruction et une strangulation. Mais surtout, il y a la composante vasculaire aussi, c'est le tronc des sigmoïdiens. Donc, c'est la troisième cause d'occlusion intestinale aiguë. Généralement, elle survient sur un terrain fragile. Elle aussi, elle cause une urgence thérapeutique du fait de l'urgence vasculaire, qui est l'obstruction, ou bien la striction de la terminaison de l'artère mésentérique inférieure, c'est le tronc des sigmoïdiens. Alors, la spire de torsion, voilà un sigmoïde normal, il est fait comme ça, d'ailleurs on l'appelle la boucle sigmoïdienne. Lorsqu'il y a une torsion, donc cette boucle va capoter autour des deux pieds de l'anse pour donner cet aspect de d'anse qui est volvulée. L'étiopathogénie du volvulus du côlon pelvien, dans la grande majorité des cas, c'est en rapport surtout avec cette boucle sigmoïdienne. Comme vous l'avez vu, on l'appelle vraiment boucle. Ce n'est pas un segment intestinal de 5 cm qui fait suite au côlon gauche par la suite pour donner suite au rectum. C'est une partie qui fait comme ça, qui décrit comme une boucle. Et cette situation anatomique l'expose à faire une torsion autour de l'axe vasculaire. Il faut savoir que, indépendamment du côlon droit et du côlon gauche, le sigmoïde est mobile. Dans certains cas de figure, on peut même le retrouver au niveau de la fosse iliaque droite. Si c'est une boucle qui est longue, qu'on appelle dolico-sigmoïde, la boucle elle peut remonter jusqu'au niveau du côlon transverse et redescendre au niveau de la charnière, au niveau du promontoire, pour se continuer avec le rectum. Donc, le fait que ce soit un sigmoïde long, le fait d'avoir la racine du mésosigmoïde, plutôt les deux bouts, la jonction entre colon gauche et sigmoïde, puis sigmoïde rectum, soit très rapprochée, qui fait que vous avez une boucle qui fait ça, avec les deux pieds de lance qui sont rapprochés. C'est une situation propice à la torsion. Et donc, tout ce qui entraîne une modification de longueur du sigmoïde, ou bien de sa base qui est, les deux pieds sont rapprochés à la base, donc décrit une boucle pour peu que ces deux éléments soient associés, que l'anse soit remplie par les matières fécales, elle va tourner autour de son axe mésentérique, c'est les mésosigmoïdes. Là, voyez ça, c'est le côlon gauche. Lorsque vous avez la jonction côlon gauche-sigmoïde, la jonction sigmoïde-rectum, là, comme vous voyez qu'ils sont rapprochés, vous voyez que ça décrit une boucle. Ce rapprochement favorise la torsion. Les facteurs favorisants, il a été rapporté que dans la population africaine noire, c'est le dolicocolon ou bien le méga-dolicocolon. Généralement, c'est une cause acquise. Un sigmoïde qui est lent, des sujets qui sont constamment constipés. Donc, l'anse sigmoïdienne, la boucle sigmoïdienne est alourdie par les matières fécales, elle va tomber dans le pelvis. Pour que l'individu s'allonge ou fasse des mouvements, elle va tourner autour de son axe et ça fait un volvulus. Lorsqu'il y a, en plus, vous rappelez-vous du schéma, lorsque il y a une inflammation du mésosigmoïde, l'inflammation fait qu'il y a rapprochement encore plus des deux pieds de la boucle sigmoïdienne et c'est une situation qui favorise encore la torsion. Sur le plan physiopathologique, où on va passer, c'est la physiopathologie d'un syndrome occlusif. Mais là, c'est un syndrome occlusif restreint à un segment intestinal. Donc, il va y avoir distension abdominale, accumulation de gaz, augmentation de la pression intraluminale, création du troisième secteur, hypovolémie, pullulation microbienne avec risque de translocation bactérienne. Bien évidemment, il va y avoir secondairement une altération des plexus nerveux et donc diminution du péristaltisme intestinal. À un stade un peu plus avancé, c'est le choc toxi-infectieux qui s'installe, en plus choc volémique. Sur le plan clinique, alors, le syndrome occlusif va avancer, c'est douleur, arrêt des matières et des gaz, vomissement, distension abdominale. C'est ce qu'on appelle le carré de Mondor. Voilà, c'est le carré de Mondor. La douleur, les vomissements, l'arrêt des matières et des gaz, puis le météorisme abdominal. Alors, en matière de météorisme abdominal du volvulus du côlon pelvien, c'est après. J'ai anticipé. Alors, en matière d'occlusion, faites attention quand le malade vient vous voir et vous posez la question, est-ce que vous faites des matières fécales? Généralement, comme on l'a dit, arrêt des matières et des gaz, il n'y a pas de matière qui sort. Mais il va vous dire, oui, j'ai émis des selles. Ce ne sont pas les selles de l'occlusion. Ce sont les selles qui étaient en aval. Et c'est pour ça qu'il est impératif de faire le toucher rectal pour dire qu'il n'y a rien au niveau, au niveau du rectum. La clinique, alors, vous devez mettre en évidence le météorisme abdominal en matière de volvulus du côlon pelvien. Quand vous l'avez vu, d'emblée vous dites que c'est un volvulus du côlon pelvien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une asymétrie de l'abdomen. C'est une asymétrie qui est visible, qui est palpable. Elle va de la fosse iliaque gauche à l'hypochondre droit. La distension, elle est dans ce sens, du fait du positionnement de la boucle sigmoïdienne qui se retrouve au niveau de la fosse iliaque gauche. Donc asymétrique, elle est immobile, elle est douloureuse, cet aspect. Faites attention, on appelle ça la triade de von Wall. Ça a déjà été posé comme question au concours de résidence. Et vous vous apprêtez à le passer au mois de septembre, en octobre. Voilà. Il y a un tympanisme diffus. La fosse iliaque gauche, elle est libre. Et, comme je vous ai dit, vous devez impérativement terminer votre examen par un toucher rectal pour dire que l'ampoule rectale est vide. Les signes de gravité du volvulus du côlon pelvien sont ceux de gravité du syndrome occlusif. L'état général est en rapport avec l'existence d'un choc toxi-infectieux, tintéreux, astite, hypotension, hypothermie ou bien hyperthermie, fréquence cardiaque accélérée. Localement, si à votre examen s'y associe une défense, ça veut dire qu'il y a un syndrome infectieux qui s'est installé. En plus du syndrome occlusif, s'il y a rectoragie au toucher rectal, vous avez du sang au niveau du doigt, c'est qu'au niveau du segment d'aval, il y a saignement en rapport avec la restriction vasculaire de la charnière ectosigmoïdienne. Sur le plan biologique, ce sont les éléments en rapport avec les déperditions hydroélectrolytiques, l'hyponatrémie, l'hypokaliémie. Vous avez une perturbation de la fonction rénale. Sur le plan, une fois que vous avez cliniquement, on passe aux examens morphologiques. En matière d'occlusion, le premier examen à demander, c'est bien évidemment l'abdomen sans préparation. Et là, c'est très caractéristique du volvulus du côlon pelvien. Il va montrer, en principe, il ne montre que deux niveaux hydroaériques. Avec deux niveaux hydroaériques, avec une seule composante aérique en U inversée. Le premier niveau, c'est un pied de lance. Le deuxième niveau, c'est le deuxième pied de lance. Parfois, il s'y associe une troisième distension aérique. Ça veut dire que, en plus du volvulus, il y a une distension du côlon d'amont qui a participé. Le côlon gauche et le côlon transverse. Donc il y a une autre distension, une autre image aérique qui s'est installée. Vous avez donc l'aspect en U inversé. Il y a le signe du grain de café. Ce sont des images caractéristiques du volvulus du côlon pelvien. Et il y a ce qu'on appelle le Northern Exposure Sign. C'est le niveau de la boucle sigmoïdienne est plus important et plus haut que le niveau du côlon transverse. Comment on reconnaît ça? Donc voilà, ici, c'est une seule clarté. La voilà, elle est immense, elle est importante, avec deux niveaux hydroaériques. Le reste qui est derrière, c'est le côlon transverse et le côlon gauche qui ont participé à l'occlusion. Le fameux U inversé, donc le voilà, la même image, c'est un U, ici on le voit, et là, il est reproduit, c'est le U inversé. L'autre image caractéristique, c'est le grain de café. Sur l'image d'un volvulus du côlon pelvien, donc il y a la boucle qui s'est faite dans ce sens, et ça représente un grain de café. Le troisième signe, c'est celui où il y a une distension tellement importante de la boucle sigmoïdienne qu'elle dépasse le niveau du côlon transverse et elle arrive même au niveau du diaphragme. C'est le seul segment qui est mobile qui arrive à ce niveau-là. Quand il y a occlusion, l'occlusion par exemple sur colon gauche, le colon transverse ne fait que se distendre, mais il reste sous le foie. Là, regardez, le sommet de la boucle sigmoïdienne, elle arrive presque au-dessus du foie sur cette image et elle est collée au diaphragme. C'est le troisième signe caractéristique du volvulus du colon pelvien. L'atomodensitométrie donne des précisions plus importantes dans des images plus précises en matière de volvulus du colon pelvien. Donc, toujours diagnostic positif, diagnostic étiologique et diagnostic de retentissement. C'est une volumineuse boucle sigmoïdienne qui a encore d'autres caractéristiques, entre autres, donc le fait de voir la boucle sigmoïdienne en position ectopique, il y a ce qu'on appelle le signe du bec d'oiseau et il y a le signe du tourbillon. Sur le plan radiologique, voilà, le signe du bec d'oiseau, ça pourrait faire la tête d'un oiseau, son œil, et puis voilà son bec. Conclusion, la torsion se faisant à ce niveau-là. C'est le signe du bec d'oiseau. Le deuxième, c'est le signe du tourbillon. Là, on a une torsion horaire. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a la torsion du méso. Ça descend, puis ça tourne, et on voit que ça va jusqu'au niveau du centre. Et puis l'autre torsion, c'est une torsion anti-horaire. Les signes de gravité que la tomodensitométrie peut mettre en évidence, au niveau de l'anse volvulée, si elle est amincie à moins de 1 cm, ça veut dire qu'elle n'est pas irriguée, qu'elle est en pré-nécrose. Si elle est épaissie, c'est l'ischémie veineuse. C'est qu'il y a une composante sanguine artérielle qui arrive, parce qu'il y a plus de pression au niveau de la circulation artérielle qu'au niveau de la circulation veineuse. Donc le sang arrive, mais la composante d'astriction est plus importante sur la veine sigmoïdienne, qui fait que le retour ne se fait pas. Le sang qui arrive, où est-ce qu'il va? Il va se retrouver au niveau de la paroi, donc il va y avoir un épaississement pariétal. Tout à l'heure, je vous ai dit, avec produit de contraste, lorsqu'il y a un défaut de rehaussement, lorsqu'on ne voit pas bien une zone, ça veut dire qu'il n'y a pas d'irrigation. Ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là, qu'il risque d'y avoir une ischémie, l'ischémie se terminant par une nécrose. Il y a une atteinte artériolaire. L'hyperdensité est en rapport donc avec une hémorragie intraluminale. Ça veut dire que les capillaires sanguins ont subi une pression telle qu'il y a une extravasation du produit de contraste. Il y a une hémorragie, intraluminale. Et le produit de contraste, au lieu de se répandre uniformément, au lieu de montrer une image nette, à contour régulier de la paroi intestinale, ce produit va se retrouver d'une façon diffuse, inhomogène, hétérogène, en intraluminal, le produit de contraste qu'on a injecté par voie veineuse se retrouvant au niveau de la lumière intestinale veut dire qu'il y a une rupture de la paroi vasculaire, les capillaires. Il risque d'y avoir ce qu'on appelle la pneumatose pariétale. Il y a de l'air qui passe dans la paroi intestinale du fait de la pénétration microbienne et on voit les trois couches de la paroi intestinale, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séparée. Quand je vous dis séparée, on ne le voit pas, on le voit à la tomodensitométrie avec grossissement des images. Alors, la tomodensitométrie renseigne sur la zone de tension. Le nombre de spires, généralement en matière de volvulus du colon pelvien, c'est une seule tension. Et les signes de gravité à distance sont l'épanchement péritonéal, donc c'est le troisième secteur, le pneumopéritoine qui expliquerait une rupture de la paroi intestinale du colon et donc le passage de l'air intestinal dans la cavité péritoniale, la souffrance du mésosigmoïdien est représentée par l'infiltration du méso, l'hypodensité ou bien l'hyperémie, voire même une dilatation veineuse. Les veines qui augmentent de calibre, vous dites, veut dire qu'il y a du sang qui arrive, qui ne va pas, qui ne retourne pas, qu'il y a compression sur la composante veineuse, le produit de contraste monte, ce qui veut dire que le tube digestif volvulé est en train de souffrir. Alors, en cas de non-prise en charge, la gravité va dans le sens de l'accentuation en matière de volume du côlon pelvien, et donc, comme tout à l'heure, il risque d'y avoir un choc toxique infectieux par translocation bactérienne et libération des toxines bactériennes, nécrose de l'anse volvulée, et le risque étant la péritonite stercorale. Déjà, quand il y a occlusion, il va y avoir pullulation microbienne au-delà de 10 puissance 6. Et on sait que la flore bactérienne colique est plus néfaste que la flore bactérienne grénique, que gastrique. L'individu qui a fait un volvulus du côlon pelvien, chez qui les conséquences physiopathologiques sont telles que le malade est déshydraté, fatigué, a une hypotension, hypothermie, puis après, à cela, lorsqu'il y a rupture, perforation colique, la flore bactérienne colique va se déverser dans le péritoine. Il y a un risque supplémentaire et ce risque est plus grave que le volvulus en lui-même. La péritonite stercorale, ça veut dire de la matière fécale dans la cavité péritonienne. Le traitement du volvulus du côlon pelvien est médico-chirurgical. On n'y revient pas, on passe donc corriger les conséquences physiopathologiques, détordre l'anse, enlever l'anse, assurer la continuité digestive. Le traitement médical, c'est qu'il faut hospitaliser, la réhydratation, le remplissage des électrolytes, les antalgiques, les antibiotiques, donner même une alimentation parentérale rapide, donc à base de macromolécules, du plasma gel. On peut même donner du plasma frais congelé. On commence toujours par la détorsion endoscopique lorsque il s'agit d'une simple torsion. Parce que généralement, comme je vous dis, le fait d'opérer expose le malade à faire une occlusion intestinale. Il faut éviter ou diminuer ce risque à son taux le plus faible. Donc le premier abord, il est endoscopique, pas cœlioscopique. Il est endoscopique. C'est par voie endoscopie, rectosigmoendoscopie, et on monte au niveau. Et cette endoscopie a plusieurs intérêts. Donc, un, elle évite la chirurgie en urgence sur un malade non préparé, notamment en matière de côlon, parce qu'il y a un risque de péritonite stercorale. Et elle diminue, donc ce sont des études qui ont montré que la détorsion endoscopique, c'est une détorsion pneumatique, on insuffle de l'air, on remplit, puis après l'anse se détort d'elle-même. Il y a une étude qui a été faite comparant le risque de morbimortalité entre détorsion endoscopique et détorsion chirurgicale. Se sont rendus compte que c'était en faveur de la détorsion endoscopique. Comme je vous ai dit, donc elle se fait sous contrôle de la vue, l'endoscope, insufflation de l'air, d'où c'est progressif. Ce n'est pas en utilisant une pince à biopsier ou bien pour détendre. On ne fait qu'insuffler de l'air. Lentement, progressivement. Si ça détend, tant mieux. Si ça ne détend pas, on passe à autre chose. Et donc, cette endoscopie, elle confirme le diagnostic, elle évalue les signes vasculaires de la torsion, notamment au niveau de l'anse elle-même, elle voit le segment aval, parce que à l'endoscopie, si l'endoscopiste visualise les signes en rapport avec une nécrose et un effarcissement, la détorsion endoscopique est proscrite. Il se retire et il confie le malade à la chirurgie. Parce qu'en insufflant de l'air, il rajoute une pression pneumatique. La détorsion se faisant, il risque d'y avoir une perforation. L'anse, sur le plan anatomique, elle va être détendue, mais on aura injecté le contenu à travers la perforation, la rupture du tube digestif, on l'aura injecté dans la cavité péritoneale. Le malade ne fera plus un syndrome occlusif, mais il fera un syndrome péritonéal, péritonite stercorale. Alors, dans des centres experts, ils arrivent jusqu'à 80% de réussite. Dans d'autres, il y a 90% d'échecs ou de récidives, voire même des complications iatrogènes, qui est la perforation. La détention chirurgicale, c'est le seul traitement radical. Donc, il faut non seulement détordre l'anse, mais il faut l'enlever, parce qu'elle risque de récidiver. Bien évidemment, lorsque l'on a opéré, il y a le risque, mais il y a pas risque. Il y a la question qui se pose, est-ce qu'il faut rétablir la continuité digestive immédiatement ou après? C'est dicté par le segment d'aval, le côlon gauche. Si le côlon gauche n'a pas participé à l'occlusion qui n'est pas distendue, là on peut rétablir. Mais si lui-même est distendu du même diamètre du segment volvulé, là on ne peut pas rétablir parce que le segment d'aval rectal aura 3 cm de diamètre, le segment d'avant-colique gauche aura 10 cm. Il y a une incongruence et là on ne peut pas rétablir. Donc on réalise une colostomie de préparation à un deuxième acte. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, lorsque ça se prête, on fait une résection anastomose en même temps. Lorsque ça ne se prête pas, on fait une résection colostomie. En matière de colostomie, il y a deux types de colostomie. La colostomie selon Hartmann et la colostomie selon Bouilly-Volkmann. Voilà une image caractéristique d'un volvulus du côlon pelvien. Rappelez-vous l'image où il y a une boucle sigmoïdienne qui ne faisait que 15 cm. Là, c'est une boucle de la taille d'une roue de voiture. C'est vraiment de la taille d'une roue de voiture. C'est de la taille... quand on ouvre, on fait attention de ne pas la perforer quand elle sort. Le malade sur la table opératoire, il est comme ça, hein, on va dire à ce niveau-là. Et l'anse, elle fait tout ça. Donc là, c'est un volvulus du côlon pelvien à une phase non évolutive, juste la boucle sigmoïdienne qui est volvulée. À un stade avancé, voilà l'infarcissement. C'est une anse qui est épaissie, de nauséabonde, par endroit, elle est sphacélée. Elle est en pré-rupture. Et voyez le segment d'amont qui a participé à l'occlusion parce que lui-même, il est obstrué. À un stade un peu plus avancé, voyez, nous avons ici la nécrose hémorragique de l'anse volvulée. C'est phénoménal. Ça ne se voit que durant la garde. Et généralement, c'est à partir de 10 heures du soir. Et il faut aller réséquer, il faut aller anastomoser, c'est beaucoup de choses. Alors, le traitement, donc, quand les conditions locales et les conditions générales sont réunies, on peut tenter une détorsion endoscopique, notamment chez le sujet âgé. Et bien évidemment, lorsqu'il y a absence de signes de gravité sur le plan général, mais sur le plan local, vu à l'endoscopie, et cette détorsion endoscopique doit être obligatoirement suivie d'une chirurgie de résection dans un deuxième temps, parce qu'un volvulus du côlon pelvien, plutôt un côlon pelvien qui a volvulé, si on le dévolvule, il va revolvuler secondairement. Lorsque on arrive à l'acte chirurgical, dans ce cas-là, il faut, bien évidemment, en fonction de l'état général, toujours l'état général, l'état local, la paroi est de bonne qualité, les vaisseaux sont de bonne qualité, le museau n'est pas infiltré, que le malade n'est pas trop déshydraté, il a de bonnes constantes hémodynamiques. Là, d'emblée, donc, on réalise une résection anastomose en même temps. Elle se fait rapidement. On met un clone digestif au niveau de la base, au pied de l'anse. On coupe tout vers le haut, puis on prend deux autres clans, on met un vers le bas, un vers le haut, on prend le vaisseau, on le ligature et on remet les deux bouts à côte, on termine au terminal et le malade sort au bout de 4 à 5 jours. Cette chirurgie de résection et d'anastomose en même temps évite le deuxième temps opératoire et évite les fuites, les pertes de vue de certains malades à qui on met une colostomie et qui ne reviennent pas pour se faire opérer pour le rétablissement de la continuité. Ça, c'est vu. Cette résection anastomose en même temps est réalisée, comme je vous ai dit, lorsque les conditions locales et les conditions générales sont réunies. On peut la réaliser en urgence lorsque on a tenté une détorsion endoscopique et que cette détorsion endoscopique, soit elle s'est accompagnée d'une urgence iatrogène, on a perforé, ou que la détorsion endoscopique ne s'est pas faite. Elle peut être réalisée en deuxième temps, ça veut dire on opère, on fait la détorsion, colostomie, au bout de 8 jours après, on rétablit. La résection colostomie, on la réalise lorsque les conditions locales ou générales ne sont pas réunies, ne le permettent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une résection de l'os volvulé. Si c'est un Hartmann, le bout d'aval qui est vers le bas, on le suture et on le laisse dans le pelvis. Et le bout d'amont qui est vers le haut, on le met en colostomie. Soit, lorsque le segment d'aval est assez long, assez généreux, qu'est-ce qu'on fait? Le bout d'amont, on le met toujours en stomie. Le bout d'aval, deuxième fois pour ne pas le perdre, on le fixe sous la peau. Ce qu'on appelle l'intervention d'Hartmann. La deuxième colostomie, c'est ce qu'on appelle la colostomie de Bouilly-Volkmann en canon de fusil. On réalise la résection de l'anse volvulé, puis après, les deux bouts, celui d'aval et celui d'amont, on les sort tous les deux en stomie. Quelle est la différence entre les deux? C'est la deuxième intervention, c'est le rétablissement de la continuité. Pour l'intervention de Hartmann, on est obligé de réouvrir l'abdomen, de faire l'anastomose en quelque sorte intra-abdominal. On ouvre l'abdomen, on va prendre le bout d'aval, on va démonter la stomie, on va la faire introduire, on anastomose et on ferme. Par contre, lorsqu'on a les deux bouts à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un abord électif. On ouvre en péristomial, on libère les adhérences et les accolements, on fait sortir les deux bouts comme ça en dehors de la cavité abdominale, on anastomose à l'extérieur de l'abdomen, on suture et on les réintroduit par le même petit trou. Il faut juste on pousse et ça va. Et donc, ça fait juste une reprise par la petite cicatrice de la stomie. C'est la différence entre les deux. Donc, Hartmann, Bouilly, Volkmann, chez certains sujets, l'urgence n'est pas à détordre, mais l'urgence est à préserver la vie de l'individu. Et dans ce cas-là, on réalise une stomie percutanée. On va le plus à gauche possible, on peut le faire même par anesthésie locale, on ouvre la peau, on écarte, on dilacère, on voit le segment colique gauche, le colon gauche, on l'extrait à la peau, on va décharger le segment intestinal d'amont en laissant l'anse volvulée en place. Et puis après, si l'évolution du patient se fait dans le bon sens et que le malade répond au traitement médical, on va le préparer à la chirurgie de résection. Très souvent, on lui laisse juste le temps de voir sa famille, de dire bonjour, ça va, toi je te dois ça, toi tu me dois ça, toi je te lègue ça, et il décède. Parce que ça survient chez des malades très très fragiles, avec le score ASA entre 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est le geste de sauvetage d'urgence, puis après, la grande majorité des cas, l'issue est fatale. Comme je vous ai dit, voilà, impossibilité de faire une anesthésie générale, donc on fait la colostomie, et puis après, excusez-moi du mot, advienne que pourra. En conclusion, Le volvic du colon pelvien est, est un tableau d'occlusion. Il est peu fréquent, c'est tant mieux. Le diagnostic clinique et radiologique est facile. Asymétrie, la distension abdominale à l'ASP 1U inversée. Atomodensitométrie donne plus de précision sur l'os volvulé, mais des précisions sur les lésions loco-régionales. Actuellement, la première attitude thérapeutique, c'est la détorsion endoscopique, notamment dans les centres experts. Sinon, il n'y a pas mieux que la détorsion chirurgicale, qui consiste obligatoirement à resséquer l'os parce que sinon elle va se revolvuler. Le rétablissement de continuité peut être fait immédiatement si les conditions le permettent, sinon dans un deuxième temps, au bout de un mois, deux mois après, et que le volvulus à l'encontre de l'intestin grêle, le volvulus du colon pelvien a un pronostic qui est meilleur.